Salut les amis! Salut Guillaume! Bah, qu'est-ce qu'il a, Alex? Eh ben, il est tout triste. Ah, ouais, bon, c'est à cause de l'opéra d'hier. Ah, il a pas pu rentrer! Mais non. Si, justement! Bah alors, Alex, qu'est-ce qu'il y a? Elle est morte! Mais qui? Madame Butterfly! Ah, bah oui, ça, elle est morte! C'est tellement triste! Elle était tombée amoureuse de Pinkerton! Oui, je sais. Elle n'y part! Et elle l'attend avec leur enfant! Et quand il revient, avec une autre femme! Oui, c'est dégoûtant! Ouais, t'en parleras avec Trier Veller, ça va l'amuser, je pense! Sale type, ce Pinkerton! Oui, je sais, je sais! Et Charline, elle est où? On sait pas où elle est! Bah non, la culture, ça laisse des traces! Un opéra, paf, il y en a un qui chiale, l'autre qui a disparu. Bah, disons que pour Charline, elle a un drôle de rapport à la culture. Mais elle est pas rentrée de Lille, je comprends pas. Bah, on sait pas, mais hier, après l'opéra, on l'a croisée dans un bar à bière avec le ténor. Oh la vache, ah ouais? Et c'est qui lequel? Il jouait quel rôle? Bah, le rôle principal. Pinkerton encore! Ah, quel sale type! Il a pas fait assez de mal à Madame Butterfly, il s'attaque à Charline. Calme-toi, Alex, oh, calme-toi, Pinkerton. Salut les amis! Salut Charline! Mais t'étais pas à Lille? Bah, ouais, mais c'était super cette sortie, hein. Ah bah. Puis moi, l'opéra, ça m'a beaucoup plu. Ouais, surtout le ténor, apparemment. Ouais, ouais. Hein, ah bah, les nouvelles vont vite. Ouais, bah, je suis journaliste, je signale. Donc, voilà. Alors, vous êtes curieux. Allez, Oui, voilà, il était vraiment mignon. Et ce matin, quand je lui ai dit que je devais partir, il était tout triste. J'ai cru qu'il allait mourir de chagrin. C'est bien fait, t'as vengé Madame Butterfly. Ouais, enfin, si tu veux. Et vous savez quel sera son prochain rôle? Non, dans Roméo et Juliette. Faut absolument que je prévienne Juliette. Pourquoi? Elle doit pas se tuer pour un sale type comme ça. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui pousse l'actualité dans l'escalier de l'opéra. Et voici les trois informations qu'on va ramasser jusqu'à 18h. Qui sont les princes consorts de la République? Un livre est consacré à Monsieur NKM, Monsieur Valot ou Monsieur Pellerin, bref, aux hommes qui vivent dans l'ombre d'une femme politique. Qu'en pense le mari d'Angela Merkel? Femme, jamais commandée. Marie, portez culotte. Même quand culotte trop large. Le pape formule des recommandations pratiques au couple. La dernière étant « Ne faites pas ça comme des lapins ». Fin de citation. Nous étions donc curieux de connaître la suite. Paul, mon petit Paul, on est éteint tous les soirs pendant 20 ans. Et on appelle ça le devoir conjugal. C'est bien ça, mon père, ça fait partie du sacrement. Je dois reconnaître que l'Église est très incomplète à ce sujet-là. L'anti-guide Michelin commence à imposer sa loi. Les Anglais sont aux manettes du classement des 50 meilleurs restaurants du monde, ce qui relègue le premier chef français à la 11e place. C'est pas la peine de faire des ronds de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien. Et pour s'emparer de ces informations, je suis accompagnée du crooner de la chanson à blague, Alex Vizorek. Mais oui, je suis content que vous n'ayez pas dit le castrat. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et autour de la table à 17h20, il est compositeur, arrangeur, chroniqueur, narrateur, séducteur, pipoteur, bref, tout un tas de trucs en heure. André Manoukian, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alex, je suis ravi que vous ayez découvert l'opéra hier soir. Oui. Et, hein, vous avez vu, c'est l'art total. Hein. Et vous allez nous donne un petit cours, il me semble, aujourd'hui. Pas un cours, mais je suis content de l'invité que nous avons à côté de moi. Et quant à moi, ma chronique sera sur un groupe Apollo... Ouais, allez, 17h20. Apollinien et Dionysiaque, voilà, c'est ça, Ego Pusher, un duo de Suisses complètement barjo. Très bien, 17h30, il est humoriste, journaliste, éditorialiste, altermondialiste, gauchiste et mauvaise foiiste. Bref, un tas de trucs en iste. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi je me suis intéressé aujourd'hui à la polémique du moment. Des bouddhistes sont opposés à la représentation de Bouddha sur les abattants de cuvettes, de toilettes. Et oui, j'ai notamment appelé un fabricant. Vous n'avez aucune cuvette de toilette avec un motif de Mahomet? Non, c'est pas une tendance de marché. Ah, ça se discute, ça a été à la mode quand même. Ça se tient. Et à 17h40, elle est intelligente, pertinente, interpellante, marrante, élégante et carrément bon. Bref, un tas de trucs en hante. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex. Vous allez bien? Je vais très bien. Cet opéra. Alors que la promenade Dora Bruder vient d'être inaugurée à Paris, et ben focus sur un immense auteur rescapé de la Shoah, j'ai nommé Aaron Apelfeld. Et chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Eisenhower, vous jouez dans Perceval le Gallois d'Éric Rohmer en 79 quand Les Bronzés font du ski sortent sur grand écran. Vous réalisez votre premier film Chassé-croisé en 82, c'est aussi l'année où le grand public vous découvre dans Pauline à la plage et l'année où Henri Krasucki prend la tête de la CGT. Vous sortez votre premier album intitulé L'Extase en 2003 quand le débat philosophique en France prend un coup d'accélérateur avec Ma liberté de penser, chantée par Florent Pagny. Et nous recevons donc, je vous laisse nous le dire, de votre douce voix. Vous êtes Ariel Dombal, bonjour. Bonjour. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Alors hier, nous étions à Lille, à l'Opéra de Lille, pour Madame Butterfly. Et en sortant, il y avait cet écran géant sur la place de l'Opéra. Il y avait un vent à décorner les bœufs. Et pourtant, la place était remplie de gens qui, à travers l'écran, regardaient l'Opéra. Alors, c'était l'Opéra en plein air, via l'écran. Voilà. C'était assez fascinant de voir que ça rassemblait tout le monde avec beaucoup de bonheur. Et l'Opéra en plein air... C'est la raison de votre venue, Ariel Dombal. André Manoukian a étudié le dossier. Oui, Ariel, alors je disais, en préambule, ça doit être jouissif pour vous, mais alors surtout, il faut parler de cette opération, ça s'appelle l'Opéra en plein air, ça existe depuis 2002, et l'idée, c'est de sortir l'Opéra de ses murs et de retrouver un petit peu, j'allais dire, les ferveurs populaires telles que l'opéra les connaissait au XVIIIe et au XIXe siècle. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai évidemment accepté cette aventure de l'opéra en plein air, d'abord parce qu'il s'agissait de la Traviata. Et donc, la Traviata, qui est l'opéra de Verdi, qui est... La Traviata, ça veut dire la dévoyée. La dévoyée, alors c'est, ah oui. C'est un opéra... Déjà là, ça met l'eau à la bouche un petit peu. Exactement, hein. c'est ça qu'il y a de beau, c'est que quand c'est Verdi... Peu, c'est un peu une pute là, on peut le dire. On peut dire, ah, c'est voilà, une... C'est mettons bien, mettons voilà, qu'on oui, va mettre le mot catin. Ah, qui est oui, peut-être oui, plus joli, voilà, entre oui, libertine et catin, enfin ces femmes du 19e siècle que l'on payait même pour se mettre nues. C'était, c'est vrai, presque des libertines. C'est une courtisane à la Marguerite Gauthier, un peu. C'est la Dame aux Camélias. C'est la Dame aux Camélias. Et ça a été mis au cinéma, bien sûr, par les plus grands réalisateurs. Greta Garbo l'a joué, Sarah Bernhardt, La Duse, et évidemment, l'ont chanté les plus grandes voix. Callas, Sutherland, Kirite Kanawa, Victoria de Los Angeles, enfin les plus grandes voix. Pourquoi ? Eh bien parce que la Traviata, c'est l'essence de la féminité et c'est un parcours, une trajectoire de femme amoureuse qui meurt d'amour et il y a cette sublime agonie. Et il y a un peu toutes les femmes dans cette Traviata, donc c'est une figure qui traverse le temps. Et ça a fait scandale parce que c'était très moderne de prêter à une catin, à une dévoyée, des sentiments profonds et notamment le sacrifice par amour. Alors c'est un jeune homme, fils de bonne bourgeoisie, qui tombe amoureux d'elle et c'est le père qui va tout faire naturellement pour empêcher cette idylle. Et elle, par respect pour son fiancé qu'elle aime plus que tout, eh ben elle va lui faire une lettre de rupture sans lui dire la vraie raison. Lui va découvrir ça à la fin, sauf qu'il va arriver, elle va s'éteindre dans ses bras. Une lettre... Racontez pas la fin. Une lettre dictée par le père, c'est en lui disant « Je ne t'aime pas », en gros, n'est-ce pas ?« Je ne t'aime pas, j'aime beaucoup mieux les plaisirs, ma vie de dévoyée d'un homme à l'autre, en plus je me fais payer, c'est beaucoup plus amusant. » Elle écrit cette lettre alors que son cœur saigne et qu'elle est à l'agonie et qu'en plus, elle cache sa maladie. Ce qui est très beau aussi, c'est que c'est un personnage plein de délicatesse qui joue les frivoles, mais qui est en réalité... très grave et profonde et humaine, donc on pleure. Comme toutes les frivoles. Quand même, hein. Comme toutes les frivoles. Voilà, bien sûr. Bien Ariel sûr, Dombal, vous mettez en scène la Traviata et dans des endroits tout à fait particuliers. Il y a aussi l'idée, dans cet opéra en plein air, de valoriser un patrimoine. Parce que l'opéra va se jouer, donc, par exemple, au château de Vincennes du 25 au 27 juin. Plus proche de nous, au domaine départemental de Sceaux, les 12 et 13 juin, ou à la cité de Carcassonne, le 13 juillet. Voilà. La mise en scène varie ou pas, pas forcément bien, la mise en scène, non, mais vous savez, quand on dit mise en scène, on dit mise en espace, on dit géométrie, on met aussi l'articulation des voix, qui est différente selon les endroits. Et donc, tout ça est très pensé, très orchestré, et on est surtout... C'est long, hein, il y a vraiment déjà de très très longues répétitions pour que ces lieux où on est, parce qu'il y a aussi Fontainebleau et il y a aussi les Invalides en septembre, soient absolument magnifiés par le décor. Et c'est comme une fête totale, comme on pouvait avoir au XVIIIe siècle, c'est-à-dire... L'orchestre, il y a 140 musiciens, il y a 39 choristes, il y a 14 solistes, il y a 10 danseurs, et tout ça c'est d'une ampleur et d'une majesté sublime. Donc, de très voilà. beaux écrins donc, pour cet opéra en plein air, La Traviata de Giuseppe Verdi, mis en scène par Ariel Dombal, notamment effectivement à l'Hôtel National des Invalides du 8 au 12 septembre ou à Fontainebleau les 18 et 19 septembre. On passe à une autre musique. Oui, oui, le choc. C'est un petit peu comme l'hydrocution musicale entre les oreilles, mais vous allez vous en remettre sur France Inter. Wasn't very pretty. See, I was born and raised in the slums of the city. It was a one-room shack that slept in other children beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat my trouble, man. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time. I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, they say give yourself a chance, son. Don't let life pass you by. But the world of reality, the rat race, where only the strongest survive. It's a dog-eat-dog world, and that ain't no lie. Ain't no listen, lie. It ain't even safe no more to walk the streets at night. I'm doing fine on cloud nine. Let me tell you about cloud nine. You can be what you want to be. Cloud nine. You ain't got no responsibility. Hello? Nine, Temptations sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'Ariel Dombal qui met en scène La Traviata de Verdi. Il y aura des places pas chères. Oui, et des chères. Et heureusement, il y aura des chères. Ah oui, il y a de pour tout. L'opéra en plein air. Voilà. Donc, par exemple, au domaine départemental de Sceaux, les 12 et 13 juin, c'est dans pas longtemps. Voilà, c'est tout près, tout près. Je peux vous dire que c'est un éblouissement. D'abord, ce parc et ce château, c'est Colbert, c'est un endroit tout à coup après, bon, une banlieue un peu aride pour arriver jusqu'à Sceaux. On arrive dans cette espèce d'éblouissement de beauté, de verdure, de jardin, de taupières, de cèdres, du Liban, cette architecture, enfin, tout ce qu'il y a de plus joli. Cette avec les éclairages rock'n'roll. Alors moi, j'ai voulu faire quelque chose d'extrêmement éblouissant et les gens qui n'aiment pas l'opéra et qui ne le connaissent pas vont être absolument enchantés. Je voulais quelque chose qui vous attrape, qui vous séduise tout de suite. Et donc, j'ai fait faire des costumes et les décors par Vincent Darret, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et on est allé plutôt vers une chose très bucolique, des femmes fleurs. Ah, j'aime bien ça. Ouais, ouais. Des femmes fleurs, oui, des femmes fleurs. Et des hommes, et des hommes très, fleurs, très, non, des hommes des très hommes machos, mais très dandy, très féroces. Des hommes bourgeons. Voilà, et des hommes qui convoitent les femmes violemment. Ça me fait penser à un dandy autour de cette table, il y en a plusieurs, mais le dandy de l'actualité, ah, Ariel Dombasle, qui a un côté rock, donne un côté rock à l'information. Mais pas fleur. Avec Alex Vizorek. Nous constatons que le fossé s'élargit entre les riches et les pauvres. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. L'info au kilo. Mais oui, Ariel, comme vous travaillez sur la mise en scène, vous n'avez pas le temps de suivre de l'actualité de près. Ouais. Je suis là, je vous fais une petite récupération. On commence par l'information qui est tombée dans l'après-midi. Claude Guéant est en garde à vue. Encore ? Oui, je crois que c'est la locution que j'ai écrite le plus dans cette revue de presse depuis le début de l'année. Claude Guéant est en garde à vue. C'est dingue ! Et toujours dans le même commissariat ? Je suppose. À mon avis, là-bas, tout le monde l'appelle Monsieur Claude. Il lui envoie un taxi pour aller chercher. Il doit avoir une cellule à son nom avec des photos de sa famille dedans. Je ne sais pas. Allez, passons à gauche. Non. Si vous aviez une info sur Emmanuel Macron. Oui, parce que vous avez dit passons à gauche. Oui, bah, ça va, passons à Emmanuel Macron. Oui, quoi, tout à fait. Emmanuel Macron, qui cet après-midi à l'Assemblée nationale, Claude Bartolone lui a donné la parole pour répondre à un député. Écoutez. Merci, monsieur le députant. Monsieur le président. Monsieur le députant, entre débutants. Pénitent. Donc voilà, ça a fait rire tout le monde. C'était pas très grave. Passons au sport. Oui, pendant Roland Garros, n'oublions pas le combat des zadistes d'Auteuil qui militent contre l'extension des terrains de tennis au détriment des serres d'Auteuil. Oui, d'un autre côté, Roland Garros, il faut bien aussi agrandir les structures d'accueil pour tous ces migrants suisses, serbes ou espagnols qui s'installent pendant la quinzaine. Oui, et si Roland Garros ne parvient pas à concurrencer les autres tournois, Paris pourrait même à terme être boudé par les joueurs et les sponsors. En effet, la polémique enfle dans les allées du tournoi. La terrasse du bar Perrier ne serait pas assez grande. Et donc, à l'opposé, les zadistes d'Auteuil, eux, ils se révoltent contre les autorités qui envisagent en effet une extension du tournoi. Oui, ne perdons pas de vue que les grandes familles du 16e arrondissement de Paris cherchent toujours à se venger de la mort de Louis XVI. Oui, et dans les quartiers chics, on ne peut pas se permettre de se laisser les raquettes se multiplier. On passe à du vrai sport. On suit. On va terminer par Zinedine Zidane, qui était interviewé par le Parisien. Et pour une fois, on ne lui pose pas une question sur lui. C'était donc l'occasion de mettre en valeur quelqu'un d'autre. Et en plus, ce quelqu'un d'autre, c'est son fils. La question portait sur une Panenka tentée par son fils sur un penalty en demi-finale du championnat d'Europe des moins de 17 ans. Panenka. Et même, il a raté, lui. Ce qui était bien, c'est qu'il était arrière. Il avait intérêt c'est d'arrêter. Quoi ah, bonne c'est question. Quoi c'est un coup de boule, quoi. Non. Ça, c'était en 2006. Tout de suite, la violence. Non. Elle est dans la lutte gréco-romaine, Ariel. Panenka s'est fait taper en dessous de la balle pour humilier le gardien de but qui plongerait d'un côté, et puis la balle lui passerait au-dessus pour un penalty. Et il l'a mis à côté, sauf que Zidane, lui, avait réussi ça. Mais ça fait très jeu du cirque. C'est comme ça. Je pensais que c'était un pas de danse, une panenka. Et j'ai quand même appris à Ariel Dombasle ce qu'est une panenka. Ouais. Et ça, je vais croire que je m'en rappelais toute ma vie. Est-ce qu'on peut juste revenir sur la blague du racket pour expliquer à Clara pour pas trop la laisser en rade pendant l'émission? J'ai compris. Hein. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h en compagnie d'Ariel Dombasle et on retapisse l'actualité du sol au plafond avec ce premier sujet. Monsieur Le Branchu sort de l'anonymat, figurez-vous. Le mari de Marie-Lise Le Branchu a sa photo dans l'Express à la faveur d'un livre sur les hommes qui vivent aux côtés des femmes politiques de premier plan. Alors comment cela se passe-t-il à la maison chez les Le Branchu ? Non, pas celui-là, Fabienne, regarde. Tu te souviens, c'est le premier saut qu'on a dansé tous les deux au mariage de ta cousine Amélie. Ah bon ? Ouais. Quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Bien, quand monsieur le branche. Je la caresse, j'ai peur de l'éveiller. Renaud, je peux pas là. Je peux pas, j'ai les élections, j'ai pas le temps. Cherchez plus personne pour la Traviata, Ariel Dombasle. Guillaume de Tonquédec et Valérie Bonneton dans Fais pas ci, fais pas ça. Alors il y a un livre qui sort de Bérangère Bonde, notre consoeur d'Europe 1. Ça s'appelle Homme 2 aux éditions du moment. Et alors on rigole avec Monsieur Le Branchu parce qu'on sait que Jean Le Branchu nous écoute, c'est un de nos auditeurs. Donc on le salue. Dès qu'on fait une blagounette, il nous appelle. Bonjour Jeannot. Donc, par exemple, Marie-Lise Le Branchu explique quelque chose d'intéressant sur les hommes qui sont dans l'ombre des femmes qui ont un poste ministériel, etc. Elle dit, donc il est psychiatre, était psychiatre hospitalier, maintenant à la retraite. Et elle dit, un psychiatre à la maison, c'est un mec qui gagne pas beaucoup de sous, mais qui observe la société de très près et qui lui raconte. Et elle dit, quand on est ministre, c'est très très précieux. Mais je suis sûre, c'est même merveilleux d'avoir quelqu'un qui a une réflexion comme ça sur les êtres, sur ses contemporains et surtout la psychanalyse, la psychiatrie. C'est pas une petite chose, ça doit être merveilleux d'être avec un psychiatre. Au regard de peut-être ces couples qui se rencontrent à l'ENA ou dans les cabinets ministériels et qui finalement sont tous les deux déconnectés sans qu'il y en ait un qui est pris avec la société. C'est plutôt rassurant d'avoir un finalement. Vous savez, quelqu'un... de toute façon, l'idée du couple, l'idée de l'amour, c'est un peu un miracle quand ça se passe. Et donc, en effet, quelle que soit la position sociale. Pour Manoukian, oui, c'est un miracle. Mais pour les gens normaux, quelle que soit la position sociale, la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est parler le même langage. Mais il y a tellement de langages à l'intérieur de nous. Et c'est des coïncidences aussi de l'inconscient. C'est des accords très, très singuliers, très mystérieux. Alors, je vous cite une coïncidence dans ce livre. Donc, c'est par exemple Fleur Pellerin, ministre de la Culture, qui a rencontré son mari Laurent Oléon lors de la défaite de Lionel Jospin. Ça peut souder un couple. Voilà, ils étaient tous les deux comme petite plume dans l'équipe de Jospin. Ah oui. Il y a des fois où le conjoint fait de l'ombre à la personne dans la lumière. Xavier Cantat, le conjoint de Cécile Duflot, qui appelle François Hollande Potiron. qui est cité dans le livre, dans feuilles de l'Express qui paraît aujourd'hui. Xavier Cantat, Monsieur Duflot, le révolté, c'est titré dans l'Express. Lui n'est pas révolté, il est placide, il fait du bien. Il s'appelle André Manoukian. Il est révoltant de talent. Si, je suis pas sûr. Ariel, c'est mieux d'être avec un philosophe ou avec un psychiatre? Oh, je crois qu'un philosophe, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Avec un auteur de théâtre, je suis confondue. Parce que, non, et en avec plus... Avec un cinéaste, non? Vous étiez à une époque. Il était aussi cinéaste. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'est d'abord pas 24 heures par jour la même personne. Et en plus, un philosophe doublé d'un combattant et doublé de l'être le plus romantique qui soit, c'est ce qu'il y a de mieux, croyez-moi. Ça, c'est top. Alors, c'est plus romantique que Manoukian, allons-y. Alors, j'ai commencé par une petite la contrainte crée la forme. Je ne parle pas de ces soutiens-gorge magiques à bonnet qui prolifèrent depuis un petit moment. Je parle d'esthétique. Une règle coercitive peut ouvrir de nouvelles voies vers la liberté. La censure donne l'invention, la métaphore. Le sens caché, crypté des sociétés initiatiques induit une nouvelle sagesse. Bach, soumis aux strictes règles harmoniques de son époque et à ses commanditaires sévères, les princes de l'Église, explosent les lois de l'harmonie en les contournant, les développant, les démultipliant. Bref, il va se livrer à une gymnastique vertueuse et virtuose en concentrant toutes les règles que ses héritiers n'auront plus qu'à déplier. Quelle est la contrainte ici, dans notre groupe du jour? Ego pusher, les instruments. Le choix le plus improbable qui soit, un violon et une batterie. Mais vous, improbable parce que... Rondo Veneziano l'a fait. Oui. Et puis beaucoup de groupes rock aussi. Oui, Rondo Veneziano, à chaque fois, elle me démonte, Clara Dumont. Là, je vous parle d'un violon solide et d'une batterie. Et Chimera. Et moi, j'ai mon beau-frère qui a un groupe, il fait ça aussi, ça fait 10 ans. Ah, j'en peux plus. Allez. Ariel Dombal se soulevait la question, disait et dans le rock. Et dans le rock. Oui, mais dans le rock, il y a un violoniste qui vient avec un band. Là, ils sont un duo. Il y a un violon et un batteur. Oui. Voilà. C'est improbable parce que le violon, c'est un instrument soliste. Il a besoin pour développer son chant d'une harmonie qui lui est généralement donnée par un violoncelle alto, par un piano, qui dessine un socle sur lequel il prend appui sur s'envoler dans les airs, pour s'envoler. Faute de quoi, son discours manque de racines et peut perdre un peu l'auditeur à la manière d'une de mes chroniques. Si par malheur, j'étais en roue libre, Charline. Ça n'arrive plus. Bon, ici. Mais vous voulez parler de qui? Ici, non seulement on a un violon solo, mais voilà. Je vais parler d'Ego Pusher. Le créateur de ce duo s'appelle Tobias Preissig. Je le recevais vendredi dernier dans Partons en Live. Il m'assurait que c'était en cherchant la formule la plus impossible qui soit qu'il avait imaginé ce duo. Je le crois qu'à moitié. En fait, son pari, c'est de se brancher directement sur la pulse du monde. Petit rappel philosophique, Nietzsche dans La naissance de la tragédie, place à la naissance de l'art, la confrontation entre l'esprit apollinien et l'esprit dionysiaque. L'esprit apollinien, c'est ce qui met en forme ce qui est informe. Je parle pas de ces soutiens-gorge magiques abonnés qui fleurissent depuis un moment. Déjà, je parle de l'énergie qui rend intelligible les forces obscures de la nature et leur fait prendre en littérature la tournure d'un récit, en musique, la tournure d'une mélodie. La mélodie est au bruit, ce que le logos est au chaos, ce que le verbe est à la confusion. Voilà pour Apollon. Ça, c'est le violoniste. Quant à Dionysos, de loin le dieu préféré de Nietzsche, il fait entendre la pulsation de la terre en direct de ses entrailles sans le filtre de la raison. Il nous branche directement avec le pouls de la planète. On sait désormais que toute matière vibre. Dionysos, lui, nous fait entendre la pulsation primordiale de la vie. Les instruments apolliniens sont en forme de lyre, le violon, la harpe, le luth, le cadre d'un piano à queue. Moi, je suis vachement apollinien. Mesdemoiselles, vous craignez rien avec moi, on parlera philosophie toute la nuit. Les instruments dionysiaques, les percussions, mais également la flûte qui envoûte. Mesdemoiselles, méfiez-vous des joueurs de pipeau. Vous l'avez compris, le duo ego-pusher est le combat archétypal de ces deux forces fondamentales et formidables qui s'affrontent depuis les tragédies de Sophocle jusqu'au Technival de Saint-Julien Molin-Molette. Nos deux Suisses fous, voyez un Technival, ne sont pas loin de l'art total que défendait notre philosophe punk prussien préféré et son célèbre groupe Nietzsche on the Beach. Les forces de l'ego, c'est l'individuation, c'est apollinien, c'est ce qui aide à sortir du clan de la tribu. Pusher, c'est la force du batteur dionysiaque Alessandro Gianelli qui pousse Tobia Pricic, l'apollinien, à s'extraire du sol pour nous envoyer, nous tous qui les écoutons, en l'air. Fantastique de Ego Pusher. On a entendu Purple Pit. Exactement. Alors, ils n'ont pas de disque. Il faut aller sur leur site egopusher.com. Et leur idée, c'est de faire, et c'est la sagesse, sans concert avant d'enregistrer un disque. C'est-à-dire revenir un petit peu à la normale. Oui. D'habitude, on enregistre, on part en tournée après, c'est débile. Ouais. Là, on rôde le répertoire. Et chaque semaine, ils ont un truc qui s'appelle le Basement Diary. C'est leur journal de cave. Ils postent le meilleur morceau qu'ils ont créé dans la semaine. Voilà. Oui. Mais non, mais il a parlé merveilleusement de la musique en soi, je veux dire, qui sont la pulsation du cœur qui donne le rythme basique, n'est-ce pas, de toute musique, de tout rythme. Et puis, cette rencontre avec toutes les sonorités du monde, tous les instruments sont en effet des reflets de pouvoir trouver les notes, les sonorités et les principes harmoniques. Ariel Dombal a donc compris votre chronique. J'ai beaucoup aimé la chronique. Je l'ai trouvée très, très pertinente. Ego Pusher, et on vous les conseille sur scène. Ego aussi, Pusher. Ouais, exactement. Oui. À cette heure-ci, sur France Inter, Ariel Dombal, il y a un reporter d'une certaine Ego aussi. Catégorie qui s'appelle Guillaume Meurice et qui traite de sujets de fond. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler religion. Je les prends. Ah, ça flippe un petit peu là, hein. Vous avez bien raison, parce que je vais vous parler d'une polémique qui enfle dans les milieux bouddhistes. Une pétition a été lancée, elle vise à faire interdire la reproduction de l'image de Bouddha sur les abattants de cuvettes des toilettes. C'est véridique, hein. 15 000 signataires à ce jour, des bouddhistes furieux. Alors, bon, rassurez-vous, parce qu'un cocktail Molotov de bouddhistes, c'est avec de la tisane, hein, donc le seul risque, c'est d'avoir envie de pisser toute la nuit, donc ça va. Et ça nous ramène mène à l'objet de la polémique, donc les toilettes. Alors j'ai mené l'enquête. Bon, moi j'avoue, j'y connais rien en abattant de cuvettes parce que je suis un garçon. Hein, j'ai appris la semaine dernière qu'elle pouvait se remonter et se baisser. Je vois pas très bien l'intérêt, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est donc la représentation de Bouddha qui est dessus. J'ai d'abord appelé le roi Merlin pour savoir s'ils en avaient. Ah ben non, apparemment non. Ah, et vous en avez pas avec d'autres religions? Non. Vous en avez avec Jésus, par exemple? Non plus. Avec des enfants, qu'est-ce qu'on a? Tac-tac, là, on a un bambou. Je suis au bout du rouleau. London, des galets. Hop. Non. À tout ce qui est galets, on ne touche pas. Ça, c'est notre prophète à nous. Depuis qu'on a des cuvettes en bois de palissandre, les syndicats lui vouent un véritable culte. Il le vénère. Hein. Et inversement, putain, Mathieu Gallet, il me vénère. On entend beaucoup ça de la part des syndicalistes. Donc, pas de touche. Appelons désormais directement les principaux concernés. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça dans un temple bouddhiste? Simplement, c'est un grand manque de respect. Voilà, tout simplement. Mais pourtant, les toilettes, c'est un endroit où on est zen, où on peut méditer. Je suis pas sûre que ce soit un bon argument. Non, bah quand même, si. On est bien aux toilettes. C'est vrai, on prend le temps. C'est là où les grands créateurs trouvent souvent l'inspiration. C'est vrai. Hein. Prenez Benjamin Castaldi. Si vous regardez ses émissions, vous verrez l'influence des toilettes dans leur conception. Hein. C'est très évident. Mais revenons à la polémique avec une autre bouddhiste. C'est intéressant parce qu'il y a un endroit où je vais enseigner où justement il y a un Bouddha sur la cuvette de toilette. Ah oui. Et vous, c'est quelque chose qui vous choque? Honnêtement, j'ai mal à utiliser ces toilettes-là, oui. Voilà, et ça, c'est dramatique. Les bouddhistes ne vont plus oser aller aux toilettes et ça va poser des problèmes de transit intestinal. Ce serait pas la première fois, d'ailleurs, hein, où des religieux ont un problème avec ça. Je pense notamment au slogan des catholiques de la Manif pour tous, on ne lâche rien, hein, ce qui, pour des constipés, est plutôt cohérent. Mais attention, hein, moi, je me dois d'être totalement objectif. Mon travail, c'est l'investigation. Hein, je dois porter le micro dans la plaie, enfin, en l'occurrence, dans la cuvette des toilettes. J'ai donc appelé la gérante du fameux centre de yoga à la cuvette de la discorde. Nous avons eu un petit démêlé cordial autour du sujet et elle a lâché prise, le fameux lâcher prise bouddhiste. Ah bah oui, là ça vous arrange bien pour le coup. Oui. Bon, est-ce que vous avez prévu de faire ça avec d'autres représentants de la religion? Genre, est-ce que vous pourriez imaginer une cuvette de toilette Mahomet? Oui. C'est un peu plus timide, j'ai l'impression. Ça, oui. Et une cuvette de toilette Moïse, c'est possible ça? Il y a Moïse, oui, non, mais Che Guevara. Non, pas de Che Guevara. N'allez pas encore nous énerver les syndicats. Non, c'est pas le moment qu'il y ait une grève. J'ai une enquête à finir. Et pour approfondir, j'ai appelé directement le fabricant, la société Virquin, et plus précisément la chef de produit. Où en est-on au niveau de la polémique? Là, nous, il a été décidé, suite à ces réclamations-là, donc jeudi, il y a une dizaine de jours, de supprimer la bataille. Ah, vous avez cédé à la pression des bouddhistes? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est à la fois, on répond à leur réclamation. C'est-à-dire, je peux comprendre que quand on est de religion, de confession bouddhiste, ça puisse choquer. C'était pas du tout fait dans cette intention-là. Est-ce que ça veut dire que vous craignez un attentat de bouddhistes intégristes? Non, c'est pas du tout notre crainte. Imaginez un bouddhiste qui se réincarnerait en moustique qui a le palu et qui déciderait de venir vous piquer. Effectivement, on peut s'attendre à tout. Ça flippe grave chez Virquin, dis donc. On recule devant la pression de la communauté bouddhiste. Mais alors, ça pose une autre question. Est-ce que la liberté d'expression pour les cuvettes de toilette est en danger? Je sais pas trop quoi vous répondre. J'ai envie de dire, j'espère que non. Mais après, c'est vrai qu'on fera peut-être plus attention à l'avenir au décor qu'on réalise. Ah oui, mais là, c'est la laïcité qui est en danger. C'est Robespierre assassiné une nouvelle fois par une conceptrice de cuvettes de toilette. Bon, ceci dit, elle ne fait pas que ça. Elle fait quoi d'autre? Je fais l'évacuation et les mécanismes de chasse d'eau. D'accord. Et c'était un rêve d'enfant pour vous de faire ça? Non, pas vraiment. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut travailler dans l'univers des toilettes? Oh, pour moi, rien n'est fermé. Au début, on a tout plein d'a priori. Et c'est pas bouché, quoi. Non, pas du tout. Non, l'univers des toilettes n'est pas bouché. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la seule quand on voit l'importance prise par la communication dans les entreprises et la remise en cause du droit au blasphème. D'ailleurs, ce sera mon mot de la fin. Aux chiottes, le marketing et la religion. Merci, Guillaume Meurice. On nous avait promis un sujet de fond. C'était un sujet du fond. juste trompé de préposition. Merci Guillaume. Nous sommes en compagnie d'Ariel Dombal. Là, on parle d'opéra en plein air. C'est différent. La Traviata de Verdi sera notamment à la cité de Carcassonne le 13 juillet et au château de Harouet en Moselle les 27 et 28 août. Et là, prochainement, les 12 et 13 juin à Sceaux, domaine départemental de Sceaux. Mise en scène, Ariel Dombal en notre compagnie. On va aborder le deuxième sujet avec vous. Le pape aime le contact direct avec son peuple. Il en profite pour s'improviser conseiller conjugal. Vous devriez vous vernir les ongles des orteils. Vous manquez un mari. Tant pis. Je me fais l'amour avec un bout de bois. Pourriez-vous faire mal? Je suis pas douillette. Quand il y a des blancs dans la conversation, monsieur l'abbé, c'est quand vous laissez le temps au Saint-Esprit de vous souffler la répartie. Ma pauvre Pie, que vous aimez bien enfiler les paroles. Emmanuel Riva et Jean-Paul Belmondo dans Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville, c'était en 61. Le pape donne ses conseils aux couples de longue date qui cohabitent dans l'intimité, mais qui ne se connaissent pas vraiment, dit le pape. Il rappelle que les fiançailles sont un apprentissage. Donc je me suis dit, bah alors il doit être pour le divorce. Je comprends plus tout. C'est une page, une pleine page dans La Croix aujourd'hui. Alors d'abord, on a affaire à un pape latino. Ça vous parle, oui. Un pape bien latino, sûr, bien sûr. Normal. Et il faut dire que le pape François a donné un souffle nouveau à toute la communauté catholique, et que c'est a blessing, comme disent les Américains, y una maravilla, comme disent les Latinos. Ça veut dire un sombre crétin, hein. Il faut traduire pour les auditeurs. Non, c'est une merveille, arrête maintenant Guillaume Meurice. Ça veut dire qu'enfin un homme qui, dont le premier geste a été de laver les pieds des pauvres, ouais. qui est un être qui pas, parle... Pas de tous les pauvres quand même, hein. Il a fait ça une fois devant une caméra, mais il n'a pas lavé les pieds de tous les pauvres. Non, pas devant une caméra, non. Ne le réduisez pas aux pauvres valeurs contemporaines. C'est un pape qui, heureusement, va dans la continuité de ce qu'il y a de plus beau dans la chrétienté, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, qui est une parole totalement révolutionnaire. Il revient vers la simplicité du message christique et il enlève un peu les ors, peut-être de l'Église, et c'est un bienfait pour nous tous les catholiques. Moi, je suis une très grande admiratrice et j'aime notre pape François. Alors, aimez-vous les uns les autres, mais sans préservatif, toujours. Mais écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez... Alors qu'il tellement... est important sur la tête. Oui, mais le pape n'est pas là pour entrer dans des détails techniques, vous savez. Ah bah pourquoi le fait-il alors? C'est pas moi qui l'oblige, hein. Promis, je suis pas son conseiller, hein. Non, mais pourquoi le fait-il? Je pense pas qu'il le fait. Je pense qu'il est simplement, il apporte la bonne parole et comment un peu plus de civilisation peut entrer dans nos vies, un peu plus de générosité, un peu plus de foi, un peu plus d'espérance, un peu plus de charité. C'est ça le message papal. Si vous voulez lui faire... un message de gauchiste, si vous voulez... Ça devrait vous parler, Guillaume. Voilà, exactement. Il n'est pas là pour commenter, par exemple, votre dernier sujet tout à l'heure. Voilà, il n'est pas là pour ça. C'est bien dommage. Alors, on attend aussi de savoir si Laurent Stefanini, qui n'est pas pour l'instant souhaité auprès du Vatican... Le futur ambassadeur de France auprès du Vatican sera accepté parce qu'il est gay. C'est le dernier dossier en date quand même. Oui, c'est ça. On fait monter en épingle cette histoire-là. Vous savez bien que notre pape François est beaucoup plus amène et ouvert sur la question de l'homosexualité. Oui, et qu'il n'y a pas des dictates. C'est qu'il est au-dessus de quelque chose et qu'aujourd'hui il est le représentant, mais que les gens en dessous, eux, sont beaucoup plus ressemblants au pape précédent et que verrouillent beaucoup plus ce genre de sujet, alors que lui est plus ouvert. Il est plus ouvert, mais il est justement avec les gens en dessous. Et il c'est est ça gay, même bon. On peut le dire. Hein. Moi, j'ai vu dans un backroom la semaine dernière. Mais il paraît qu'on vous y a vu aussi. Mais ouais, j'y étais. Bim. Le coming out de Guillaume Meurice, voilà. Zéro. Clara Dupont-Mono va prendre un peu de hauteur comme Ariel Dombal parce que... Je vais essayer. Parce qu'entre la cuvette des toilettes et... N'allez quand même pas aussi haut que ça. Hein. Non, mais vous allez voir. Passons vers dans la bibliothèque. Non, on va plutôt. Pas aller haut, on va aller vers le bas, mais en profondeur. Parce que l'actualité, c'est aussi... Non, mais vous allez voir, c'est aussi l'inauguration... Et après, c'est moi qui rabaisse le débat. Non, mais en profondeur. Attendez, ça ne veut pas dire bas. C'est... Ah, oui. Parce que l'actualité, c'est aussi l'inauguration hier à Paris de la promenade Dora Bruder dans le 18e arrondissement. Et Dora Bruder, pour mémoire, est le nom d'un des plus beaux romans de Patrick Modiano. Hein, c'est un des préférés de Fleur Pellerin. Et Patrick Modiano a dit, je cite, elle représente, et il parle de Dora Bruder, elle représente désormais dans la mémoire de la ville les milliers d'enfants et d'adolescents partis de France pour être assassinés à Auschwitz. Alors, il est quand même difficile de ne pas rapprocher Dora Bruder d'une autre personne, cette fois un garçon, un adolescent juif, et puis qui est devenu adulte, qui a échappé à la déportation, et qui est devenu un immense vieux monsieur que je porte dans mon cœur. Et cet immense vieux monsieur s'appelle Aaron Appelfeld, il a 83 ans. Il vient de publier son 14e livre qui s'appelle Les Partisans. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous envie parce que vous allez découvrir l'œuvre d'Aaron Appelfeld et je vous donne quelques éléments du décor, entre guillemets, notamment sa trajectoire qui est exceptionnelle. Aaron Appelfeld grandit en Roumanie dans une famille juive germanophone. Ça veut dire que chez lui, on parle aussi bien l'allemand que le yiddish, en plus du roumain. Et puis sa mère est tuée en 1940, il a 8 ans, il est enfermé dans le ghetto avec son père, il est séparé de son père, il est emmené dans un camp à la frontière ukrainienne, dont il parvient à s'évader. Et où trouve-t-il refuge, alors que c'est un enfant ? Eh bien, dans la forêt. Pendant des mois, l'enfant va vivre avec des persécutés, avec des vagabonds, qui protègent cet enfant et qui le nourrissent. Des années plus tard, dans son livre, mais poignant, qui s'appelle « Histoire d'une vie », il a écrit, je cite, « Chaque fois qu'il pleut, qu'il fait froid ou qu'il souffle un vent violent, je suis de nouveau dans le ghetto, dans le camp ou dans les forêts qui m'ont abrité longtemps. La mémoire a des racines profondément ancrées dans le corps. » La guerre se termine, il est pris en charge par l'armée rouge, il traverse toute l'Europe avec un groupe d'adolescents orphelins comme lui. Il arrive en Italie et là, grâce à une association juive, il débarque en Palestine en 1946. À partir de là, il perd sa langue. Il ne peut plus parler allemand. Il va renouer avec le yiddish, mais pas avec l'allemand, jamais. En revanche, il va apprendre l'hébreu, qui va en quelque sorte être sa nouvelle patrie linguistique. Et depuis presque 70 ans, Aaron Appelfeld écrit en hébreu. Et toute son œuvre littéraire, qui est magnifique de bout en bout, va décliner un pan du périple que je viens de vous raconter. Et il n'a jamais fait que ça, c'est-à-dire prendre un bout de ce chemin et le décliner. C'est son socle, c'est sa nourriture. À chaque fois, il y injecte un peu d'imaginaire, mais le socle, ça va être cette trajectoire. Par exemple, il a fait un livre poignant aussi qui s'appelle « La chambre de Mariana ». Et c'est l'histoire d'un enfant juif qui trouve refuge dans un bordel en bordure de forêt. Il est pris en main par les prostituées jusqu'à l'irruption des nazis. Et donc cette irruption des nazis pousse l'enfant vers la forêt. Paf, épisode de la forêt, justement, dans la vie d'Aaron Appelfeld, qu'il a romancé avec cette histoire de bordel en lisière de forêt. Son livre suivant s'appelle « Le garçon qui ne voulait pas dormir ». C'est un adolescent rescapé qu'on ne peut pas réveiller. Il est en Italie, il va passer en Palestine. On le secoue, mais le choc a été tel qu'il ne se réveille pas, il dort. Et ben voilà, épisode de l'arrivée en Italie, après avoir traversé l'Europe. Et le dernier, c'est pareil, les partisans, c'est l'histoire d'une poignée de juifs qui ont trouvé refuge dans la montagne, mais qui se sont organisés en milices armées et qui font dérailler les trains des déportés pour les recueillir. Et ben là, pareil, épisode des persécutés qui ont recueilli l'enfant Appelfeld dans la forêt. Donc vous voyez, à chaque fois, Appelfeld romance un peu, là il a militarisé cet épisode, un peu comme dans Inglourious Basterds, le film de Quentin Tarantino, il en a fait une milice offensive, mais le principe est le même, à chaque fois, il part d'un fragment de son errance et il va y injecter un peu de romanesque. Et dans Les Partisans, il s'offre le luxe d'imaginer un peu de fraternité dans cette boucherie qu'a été la Seconde Guerre, des hommes juifs ensemble qui se défendent et il y en a un qui dit à un moment, je cite juste cette phrase, « Ici, nous sommes des messagers et nous considérons les hommes pour ce qu'ils sont. » Mais est-ce que la littérature n'est pas une puissance immense ? Mais bien sûr qu'elle l'est. Je vous redonne les références. Les Partisans doute, de Aaron Appelfeld aux éditions de l'Olivier. Oh, la classe, bravo. Merci, bravo. Clara Dupont-Monod. Voilà, on a pris un peu de hauteur dans votre bibliothèque. Lisez Aaron Appelfeld, vraiment. Et je rappelle que toutes les références des livres que vous nous conseillez sur France Inter, on peut les retrouver sur la page Clara Dupont-Monod du site France Inter qu'on vous encourage. Et aussi sur le site de l'émission. À remplir, Clara, n'est-ce pas ? Nous sommes en compagnie d'Ariel Dombal qui met en scène La Traviata de Verdi. Allez voir l'opéra en plein air, notamment tiens, à la Cité de Carcassonne le 13 juillet au château de Vincennes les 25 et 27 juin. Oh chérie, tu sais, je n'attendais que toi dans la nuit. Berger, Gravité, c'est la playlist France Inter. Il est 17h53 et nous sommes en compagnie d'Ariel Dombal. Tout se passe bien ? Mais oui, très bien. Flavien Berger, c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Je l'avais capté dans la... Dans l'horizon musical. Ouais, c'est vous avez déjà entendu Moi, je suis pour que les jours où André ne vient pas faire de chronique musicale, vous veniez de temps en temps nous présenter un disque. Parce que moi, c'est le même genre d'incompréhension pour nous. mais ça va être beau. On est perchés tous les deux. Non, mais on écoute beaucoup de musique et de manière éclectique. C'est voilà. Vous avez... La musique, c'est vaste. C'est vaste. C'est vaste. Et vous avez tapé dans l'oreille. C'est même le plus grand des mystères. Pourquoi est-ce qu'une succession de notes vous bouleverse à ce point et vous fait mais traverser le ciel. Pareil pour les mots. C'est vrai, mais la musique, les mots, on peut peut-être plus l'expliquer. Mais on dit la musique des mots souvent, d'ailleurs. C'est quand et là, Guillaume proche. Meurice cherche pareil pour trois petits points. Non, il peut pas, donc j'en profite. Pareil pour la cuvette. La cuvette des toilettes. Le troisième sujet, le mensuel anglais Restaurant, publie désormais chaque année le 50... Mais je commence à le connaître. Parce que le 50 Best Restaurants, c'est trop tard. Les 50 meilleures adresses du monde. Du moins, les adresses de restaurants les plus hype. Parce que c'est un classement anglais, et donc la France n'arrive que 11e. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Oui. Oh. Maintenant, je suis seulement le gérant, et toute la journée, je sers de la merde. Mais au relais de cigales, c'en était déjà. Oh, peut-être. Oui, mais c'était moi qui la faisais. Parce que là, c'est pas vous? Ah, non. Oh. Tous les matins, c'est l'usine du grand patron qui m'envoie tout. Mangez ! Voilà, ouais. L'aile ou la cuisse. Alors, dans ce classement, 5 tables françaises seulement, aucune dans le top 10. 7 adresses espagnoles, la cuisine espagnole étant délicieuse, et 6 pour les États-Unis, plus curieux. Oui. Le monopole tricolore a vécu. Alors, vous qui avez une dimension internationale dans votre éducation, dans vos voyages, etc. C'est vrai. Vous confirmez que ce monopole français a un peu vécu. Mais quel dommage, parce que c'est vrai qu'on se disait la France est quand même la capitale du luxe, et parmi ce luxe, il y avait la bonne chère, la cuisine française, avec cette corne d'abondance qui s'est déversée sur la France. On a des produits extraordinaires. Mais si c'est partout dans le monde maintenant, tant mieux. Ben voilà, les choses voyagent, mais enfin, ça, c'est une vaste question, les aliments qui voyagent, la chaîne du froid, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a de très bons restaurants français maintenant partout. Hein. C'est vrai que les chefs voyagent beaucoup. Je ne sais pas comment est fait ce classement. Mais les Français supputent qu'il y a un vice de forme dans le classement. Peut-être, parce qu'on reste quand même le pays le plus étonnant. Enfin, moi, je suis mexicaine, je n'aime que vraiment la cuisine mexicaine, très subjectivement. Ah, les empanadas. Ay, todo de México es riquísimo. Las enchiladas. Voilà. Mais bon, mais c'est vrai que la France, c'est quand même, on goûte des choses étonnantes. C'est la patrie de la bonne cuisine, ça reste tout de même. Les choses suaves. Suavecito, tout ce qui est riquissimo, quoi. Riquissimo. Très bien, nous sommes en compagnie d'Ariel Dombal et c'est le moment d'une proposition malhonnête d'Alex Vizorek. Alors en fin d'émission, c'est le sketch surprise sur l'actualité et donc j'ai écrit un sketch où je vous ai écrit un rôle. Est-ce que vous acceptez de le jouer ? Si vous voulez. C'est le rôle de Nathalie Kosciusko-Morizet. Bon. Alors, comme Éric Woerth et Blanchy, qui revient à l'UMP, on lui a donné une bonne place dans l'organigramme et ça pourrait ennuyer Nathalie. Donc on y va. Bon, j'ai décidé de vous réunir pour éviter une dispute. Nathalie, donc tu n'es pas contente du retour d'Éric, c'est ça ? Écoutez, disons que je trouve ça peut-être malhonnête. Alors là, on ne parle pas de moi. Pourquoi tu dis ça, toi ? Bah parce que moi, ce qui est malhonnête, je ne connais pas. Je suis honnête, c'est la justice qui l'a dit. Moi, je ne crois pas ça. Pour une fois qu'on a un type honnête à l'UMP, il s'en vante. Nathalie, c'est faux, c'est faux. Quoi, il y a un autre type honnête à l'UMP ? C'est pas ça, Nathalie, mais on n'est plus à l'UMP, on est chez les Républicains. Hein ? Bon, pardon, mais en tout cas, où qu'on soit, je ne veux pas qu'Éric prenne ma place. Bah quand même, j'ai eu le temps de réfléchir, moi, pendant que vous vous disputiez. peut-être, mais moi j'ai bossé pendant toutes ces années. Nathalie, t'enflamme pas non plus. bosser, non. Qu'est-ce que t'as fait exactement? Nicolas, tu es un gras. J'ai pris le métro. Tu te rends compte? Oui, c'est vrai. Et encore, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai été fumer des clopes avec des SDF et je te dis pas, c'est délicieux. Oui, d'accord, bon, d'accord. Et encore, t'as fait quoi? Ben écoute Nicolas, j'ai même posé pour Paris Match, j'ai fait des poses tellement lascives. Tu sais quoi? On aurait dit Ariel Dombal. Mais c'est très bien ça, c'est très bien Ariel Dombal. Écoute, c'est bien tout ça, mais trouve-moi un argument que je puisse vraiment mettre en avant. Eh ben écoute, moi je suis honnête, figure-toi, simplement honnête. Ben ça c'est bien ça, ben voilà, ben ça c'est bien. Hein, allez, tu restes devant Eric, mais attention, hein, si j'apprends qu'il y en a un qui est plus honnête que l'autre, je vous reconvoque. Merci Ariel Dombal. Bon, plus vrai que nature. C'est formidable. Ariel Dombal qui met en scène La Traviata de Verdi, une série d'opéras en plein air, en tournée, à partir des 12 et 13 juin au domaine départemental de Sceaux, au château de Vincennes, 25 et 27 juin, à Carcassonne le 13 juillet, et puis il y aura aussi Les Invalides en septembre et le château de Fontainebleau. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Avec des voix sublimes, avec des chorégraphies de Reddy Ayam, avec un orchestre gigantesque et virtuose. Venez, ça et sera un lumières, éblouissement. Et rock and roll, on vous le conseille. Nous vous laissons le mot de la fin, Ariel Dombal. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? C'est pas la peine de faire des ronds de jambes. Si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien.